Deuxième chanson classée deuxième, donc médaille d'argent. Françoise Hardy, Je suis d'accord. Je suis d'accord pour le cinéma, pour le rock, le twist ou le cha-cha. Je suis d'accord pour tout ce que tu voudras, mais ne compte pas sur moi pour aller chez toi. Dans la rue, si nous nous promenons, je suis d'accord pour de longues stations. Tu peux me faire mille propositions, mais ne me demande pas d'aller chez toi. Bébé, si tu n'es pas content, je penserai que ça signifie que tu ne m'aimes pas comme tu le prétends, et que bien souvent tu m'as menti. Je suis d'accord, ensemble on est heureux. Je suis d'accord, on fait de notre mieux, ça peut durer peut-être un mois ou deux, si tu ne me demandes pas d'aller chez toi. D'accord, ensemble on est heureux, je suis d'accord, on fait de notre mieux, ça peut durer peut-être un mois ou deux, si tu ne me demandes pas d'aller chez toi. Oh, si tu ne me demandes pas d'aller chez toi. Oh, chez toi, ouais, chez toi. Et enfin, sur la plus haute marche du podium, c'est Anne van der Love, Balade en novembre. Qu'on me laisse à mes souvenirs, qu'on me laisse à mes amours mortes. Il est temps de fermer la porte, il se fait temps d'aller dormir. Je n'étais pas toujours bien mise, j'avais les cheveux dans les yeux. Mais c'est ainsi qu'il m'avait prise, je crois bien qu'il m'aimait un peu. Il pleut sur le jardin, sur le rivage. Et si j'ai de l'eau dans les yeux, c'est qu'il me pleut sur le visage. Le vent du nord qui s'amoncelle s'amuse seul dans mes cheveux. Je n'étais pas toujours bien belle, mais je crois qu'il m'aimait un peu. Ma robe a toujours ses reprises, et j'ai toujours les cheveux fous. Mais c'est ainsi qu'il m'avait prise, je crois que je l'aimais beaucoup. Il pleut sur le jardin, sur le rivage. Et si j'ai de l'eau dans les yeux, c'est qu'il me pleut sur le visage. Si j'ai fondu tant de chandelles depuis le temps qu'on ne s'est vu, et si je lui reste fidèle, à quoi me sert tant de vertu? Qu'on me laisse à mes amours mortes, qu'on me laisse à mes souvenirs. Mais avant de fermer la porte, qu'on me laisse le temps d'en rire. Essayez d'en sourire. Il pleut sur le jardin, sur le rivage. Et si j'ai de l'eau dans les yeux, c'est qu'il me pleut sur le visage. Avant de passer à la programmation d'aujourd'hui, deux mots quant à la page Facebook de La Cerise sur le Canton. Sachez que tous les titres de l'émission sont repris et numérotés. Ainsi, vous pouvez établir votre essai, le publier et comparer vos résultats avec ceux du jury. Et qui sait, si vous avez le bon tiercé, eh bien, vous pourrez gagner

à l'époque choriste, qu'il enregistra en 1968. 1968, ça vous dit quelque chose? Les événements de 68. Oui, alors il y avait une grève générale, et l'on vit les stations de radio se mettre en grève aussi. Et afin d'occuper l'antenne, un programme musical passait à longueur de journée sur les radios, et Alouette en faisait partie, et devant un immense tube. Alors ces informations m'ont été fournies par Fabien Lecoeuvre, qui a écrit le livre « Mille et une histoires secrètes des chansons ». Alouette de Gilles Dreux. Si pleine de joie. Chantons tous les deux. Un autre jour peut-être, on sera heureux. Je sais bien danser. Et puis si tu t'embêtes, tu viendras chez moi. Il y aura des noisettes. Alouette, alouette, l'amour et l'été, comme les cigarettes, s'en vont en fumée. Charles Aznavour a dit de Linda Lemay, elle ajoute à ses dons indispensables pour réussir des idées originales, une imagination fertile et très personnelle et une rare qualité d'écriture, une personnalité particulière et pleine de fraîcheur. Et Linda Lemay lui a renvoyé l'ascenseur en chantant pour lui en 2006, surtout vous. Surtout vous, Linda Lemay. Il y a des poètes qui torturent les mots, qui menacent les lettres du bout de leurs mégots, des griffonneux, des cancres, des fraudeurs de la prose qui bavent de toute leur encre pour ne pas dire grand-chose. Et il y a vous, oui, il n'y a que vous, ignorant ceux qui trichent, écrivant avec goût, rimant on ne peut plus riche, faisant autant de jaloux que de gens qui vous récitent, qui quand ils vous imitent ne vous arrivent pas aux genoux. Oui, il n'y a que vous, maîtrisant le crayon et devenant du coup

Pascal Locua Kanza est un chanteur multi-instrumentaliste, auteur, compositeur, arrangeur et producteur, né en République démocratique du Congo. Il faudra chaque jour chanter qu'on les aime, pour que même grand, ils parlent en amour. Il faudra toujours chanter qu'on les aime, qu'il leur en reste pour les mauvais jours. Tout pour ce monde. Jurons qu'ils sont pour nous tout ce qui compte. Faisons des sourires qui leur disent que la terre guérit. Lisons dans le pire des histoires qui chaque jour chanter qu'on les aime, pour que même grand ils parlent en amour. Il faudra toujours chanter qu'on les aime, qu'il leur en reste pour les mauvais jours. Il faudra chaque jour chanter qu'on les aime. Guerre pour ses aînés, luttons pour qu'aucun ne meure de faim ni d'être mal aimé. Trouvons dans nos cœurs des mots doux pour dire le chemin au roi de demain, et trouvons les couleurs qu'il faut pour. Thank you. mais qu'il leur en reste pour les mauvais jours. Toujours à Colana qui a. Après plusieurs échecs avec les disques précédents, Eddie Barclay, producteur, invita Daniel Balavoine à déjeuner. On peut dire que c'était pratiquement un repas de divorce. Oui, il venait juste d'enregistrer le disque Le Chanteur. Et Barclay prédit à Daniel Balavoine que ce titre serait un échec et que ce serait le dernier qu'il produirait. Le disque Le Chanteur s'impose alors comme un tube de l'année 1979, avec plus de 500 000 disques vendus et un disque d'or. On peut dire qu'il avait du flair, Eddie Barclay. Le Chanteur Balavoine. Friquet a grandi en Haute-Savoie. Son père musicien lui a appris très vite le piano et le chant. Elle a participé à The Voice Kids en 2015 dans l'équipe de Louis Bertignac. Et après l'émission, elle a mis en ligne des vidéos. Ces vidéos ont été remarquées par Mylène Farmer. Et en 2016, elle sort son premier single, produit par Mylène Farmer et Laurent Boutonnat. C'est Sexto, Sexto Julia. Shot de tequila, c'est moi. Ou des verres gondages. Pas de rêve, pas d'âge. Pas des doudita. Si Marie-Lune avait le choix, c'est du bout des doigts qu'elle aurait aimé. C'est ainsi que la cerise sur le canto prend fin pour aujourd'hui. Merci à Alexandre pour la réalisation technique. Merci à vous de nous avoir écoutés. La prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours. Mais nous serons néanmoins avec vous dimanche prochain pour Patchwork, à l'écoute des musiques du monde. Rendez-vous également sur notre page Facebook, la cerise sur le canto Patchwork.